vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Sondage Rocky en ce mercredi 9 janvier 2013. Lui, c'est François Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh, mais ça, c'est moins grave. C'est moins grave? Ben, c'est plus grave en termes de... c'est moins grave en termes d'importance. Donc, bienvenue à Sondage Rocky. Et ce matin, à l'émission, on a avec nous en studio deux invités spéciaux qui vont faire des chroniques plus tard. Donc, accueillons-les chaleureusement. Stéphanie Paradis. Bon matin. Bon matin. Bon matin, Steph. Ça va bien? Steph, il n'y a pas de nouvelles ici à Assemblage Rocky. Non. Il va y avoir une nouvelle chronique la semaine prochaine, par contre, okay. François. Oh! Mais là, tu vas me parler du journal? Oui, ce matin, je vous parle du journal. OK, forme là. Intéressant, ouais. On va faire ça vers les 7h30, pardon. Ouais. Ensuite de ça, plus tard à l'émission, à 8h30, et là, notre mois janvier épique, ou encore, comment on appelait ça déjà à la bonne franquette, Steph? Janvier épique. Janvier épique, où François disait... le January pick là, ouais, pour le hockey. Ouais, le draft, le repêchage. C'est ça. Donc, on a repêché une certaine Annabelle Maton. Salut. Bon matin. Mais bon matin, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. C'est une sorte de poisson, ça, finalement, un Annabelle Maton. Un petit poisson stressé ce matin. Oh, Colin, mais enlève tes écailles et mets-toi confortable. Et prends ton envol. Oh, ben oui, comme un poisson volant. Ben oui, ah. Il ne vole pas vraiment. Non, il plane. Ouais. On apprend des choses. C'est ce qu'on va faire pendant l'émission aujourd'hui, entre autres, à part ta chronique sur les choses coquines. Tantôt. Oui, en fait, aujourd'hui, ça va être une petite introduction, un petit survol sur la sexualité des temps modernes. Oh, ouais. Des temps modernes? Ouais, mais okay. En fait, l'évolution que ça a eue après la Révolution tranquille, puis après mai 68, là, okay. Une petite tournure que ça a pris. Parfait. Cool. 8h30. Oui. Je t'aime moi non plus. Ouais. C'est le nom de la chronique, c'est pas ce que je te dis, même si... Non, j'avais compris. J'aime bien. Merci, Mathieu. Entre ça, je vais faire des chroniques maison, comme la tradition le veut. Et on va faire Kinky Sexy Time, parce que vous êtes là, les filles. Je sais que c'est votre chronique préférée à tous les deux. Ça va être thématique, là. Ça va marcher. Ouais, ça va être très thématique ce matin. Ça va être thématique, mais c'est comme écrit T'apostrophe, OIM. Ah, t'es jeune. On s'ennuie de ça, hein, 2013. Je sais pas, là. Bon. Et aussi, ça existe, mais ça devrait pas. Là, on va dépenser l'argent qui nous reste du temps des fêtes, finalement. Les dernières scènes. On regarde les fonds de tiroir. Pis s'il en reste plus, on fait quoi? Carte de crédit. Marge aussi. Si elle est pleine. On en prend un autre. Ah, yeah! On demande à son père. C'est ça, Steph? Non. Non? Non. Ah, OK, je pensais. Non. On va garder ça entre nous que je suis une fille à papa. Oh, OK. Ça va être l'émission d'aujourd'hui. Gros plan, émission très, très chargée. Notre January pick va être génial jusqu'à la fin du mois. Pour l'instant, on débute avec une nouvelle entrée d'Olinéa sur le palmarès francophone. Vous savez, quand on joue aux échecs, on appelle ça l'échiquier. Let's

Retour en ligne, Zone Campus au complet, en onde. Ça va être long. On fera pas ça. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Il est 7h39 minutes et Frankie Muniz toujours avec nous. Et Matthew Blende. Je pense que c'était le gars qui jouait en Malcolm à Télé-Québec. Frankie ah. Muniz. Je pense. Frankie quoi? Muniz. Muniz. Je pense que oui, je pense que c'est ça. Donc, François, je te mets au défi de me nommer un journal, OK? Nouvelle-Est. Non. Non. Un journal qui est plus près encore de nous. Plus près? Paul TV Hebdo? Non. Non. Je sais pas. Ben là, ouais, c'est pas un journal. Non. C'est un magazine, je sais pas. Ah, Zone Campus. Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. J'avoue que c'était difficile, j'étais pas sûr qu'elle allait se rendre jusqu'à la solution. Ah là, j'espérais. Non, je voyais pas de journal, là, j'étais là, mais ça, c'est une revue. Donc, Zone Campus, c'est bien le journal des étudiants de l'UQTR et Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef, est juste là, sur notre chaise, une de nos cinq chaises du studio. C'est le fun que tu le précises. C'est pour ça. Non, mais ben, tu sais, c'est des gens que les détails. Oui, pour qu'ils puissent se faire une image. Imaginez Stéphanie en train de faire des gesticulations. Oui, c'est ça? Faire des petits tourbillons de mains dans les airs. C'est ça, on dirait enfant-forme, c'est beau. Enfant-forme. Oh! C'était le fun? Ben oui, c'était... Oui? C'est pas beau. Donc, on parle du plus récent numéro qui nous dit une rentrée sous la neige. Oui, donc avec une magnifique photo du U. Oui, le U de l'UQTR. Oui, est-ce qu'on spécule sur sa signification? Sur ce qui veut dire le U en tant que tel? Oui, moi je dirais unijambiste. Une pneu. Comment t'es fort? Je dirais, moi, c'est quoi, ben innocemment, je dirais université. Non, c'est trop facile. C'est chante. Pas trop facile, oui, Non, chante. Attends un petit peu. Unique en son genre. Unique, moi, ouais, peut-être, ou... Je vous dis pas des réponses. Non, mais j'ai des mots malsains que je connaissais. Uranus. Voilà. Uranus. Merci. C'est très bien dit. OK. On commence en actualité, Steph. Oui, donc on commence avec le Carnaval étudiant 2013. Donc, on parle un peu de la programmation du Carnaval qui va se dérouler du 28 janvier au 1er février prochain. Donc, il va y avoir la traditionnelle parade d'ouverture, aussi le concours de sculpture qui revient où les étudiants doivent présenter leur thème en sculptant un personnage ou un objet. Ou encore, cette année, il va y avoir un petit test de connaissances sur les 25 dernières années du cinéma. Oui, ben parce que c'est le thème Carnaval en cinémascope. Là, exactement. Ça a pas le choix. Carnaval en cinémascope. Ensuite, on a le sommet de l'enseignement supérieur. Donc, le 13 et 14 décembre dernier, il y a eu des rencontres préparatoires ici même. Donc, les sujets principaux, c'était l'actualité et l'accessibilité, pardon, et la participation aux études supérieures. Donc, entre autres, c'est bien de le mentionner, mais les questions qui ont été posées par Anne-Julie Durocher, vice-présidente aux affaires sociopolitiques, ont fait en sorte que la GE a été encensée lors de cette soirée. Anne-Julie, d'ailleurs, qui a une chronique ici, Assemblage Requis. Ben oui, les... Le majeur. Mardi vers les 8h30. Mardi à 8h30, c'est ça. Le majeur? Non, l'index. Merci François d'avoir compris ce le majeur, c'est un peu dans ta face. C'est ça. Toi, on sait que tu connais juste le petit doigt, t'es tellement fancy, mais tu sais. Oui, j'étais un peu élitiste, hein, c'est ça. Un peu élitiste, exactement. Donc, toujours en actualité. Oui, là, on parle des applications pour la réadaptation en ergothérapie. Donc, il y a une équipe de recherche de l'UQTR qui a recensé toutes les applications existantes sur iPad et Android qui pourraient avoir une utilité en ergothérapie. Donc, par exemple, les applications qui facilitent l'apprentissage du langage, des mots, des couleurs, du dessin, des matières scolaires. Il y en a d'autres que ça va être des agendas rappels qui vont aider les gens avec des problèmes de mémoire ou de la difficulté à organiser leur journée. Bien. Donc, super intéressant. Ensuite, on parle de la chronique de Simon Fitzbay, quelques événements à surveiller en 2013. Donc, il nous parle en gros de ce qui est à venir donc en politique, en fait, du sommet sur l'éducation et de possibles élections. Mm-hmm. Et sachez, en passant, on l'annonce depuis le début de l'automne, je pense, mais Simon Fitzbay va finir par revenir à Assemblage requis. Mais et oui. Ça s'en vient demain. Jeudi. Demain. À 8h30. Hey, faut pas manquer ça. C'est ça. Donc, Simon qui va être avec nous pour lire sa chronique du Zone Campus et parler d'autres affaires aussi autour de ça parce qu'il va, il dit qu'il va faire une chronique d'humeur. OK. Mais ce sera pas tout le temps jeudi. Non, il va être le lundi d'habitude, c'est ça, à 7h30. Si tu dis d'humeur, ça veut dire qu'il va être de mauvaise humeur ou de bonne humeur ou... Différentes humeurs. Il va être plein d'humeur. C'est un humeur, hein, c'est ça? Moi, en tout cas, je vais être de bonne humeur. Je sais pas. Ça fait longtemps qu'on veut que Simon revienne. Exactement. Et nous, on l'a perdu au mois de juillet ou août, quelque chose comme ça. Puis là, vous l'avez retrouvé? Là, on l'a retrouvé. On l'a cherché longtemps. Il était bien caché. Ah, c'est un ninja, c'est Simon Fitzbay. Donc, voilà pour actualité. On passe maintenant en société. Société, la chronique de Sébastien Dulude, signe des temps. Donc, nouvelle année, nouvel horoscope, pas le temps de niaiser. Tequila Heineken. Donc, un petit horoscope plutôt sympathique dont vous pourrez prendre connaissance soit maintenant si vous êtes pressé, que vous avez vraiment hâte, c'est dans le journal présentement. Sinon, ben, si vous voulez plus de détails, de la qualité, vous pouvez attendre. Non, il n'y aura pas plus de détails. Mais vous pouvez attendre là, jusqu'à la semaine prochaine à Assemblage requis. Ben, Sébastien Dulude va venir à chaque deux semaines, les lundis. Et donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines pour sa chronique. Va voir ailleurs, j'y suis. Mais comme vous avez vraiment hâte d'en prendre connaissance, c'est disponible maintenant dans le Zone Campus. En version arbre mort. Quoi? En version papier, excuse-moi. OK, arbre mort, papier, ouais, bien. Bon, OK, c'est bon. Ensuite, on a parlons de sexe, pornographie et beauté. Donc, on commence un petit peu là, dans la thématique qui s'en vient dans le reste de l'émission. Là, je sens que ça va parler de sexe un peu encore tout le long. Ouais. Donc, on commence tout de suite avec pornographie et beauté. Et avec Jonathan Loranger. Donc, il tente de démontrer une des origines de la confusion qui règne entre l'attrait conditionné et la beauté en décrivant les principaux mécanismes psychiques qui soutiennent l'industrie pornographique. Donc, il parle de la pornographie au masculin, au féminin, de la pornographie en action et de la beauté dans la pornographie, point d'interrogation. Intéressant. Toujours comme très toujours. Intéressant. Franchement, c'est le Zone Campus, c'est toujours intéressant. Ben oui. Ensuite, Jean-François Veilleux avec 10 résolutions pour une révolution en 2013. Donc, il a décidé de reprendre une liste de 10 résolutions déjà écrites pour la réactualiser. Un article qui avait déjà été publié, non? Quelque chose de nouveau? Hein? Non, mais des résolutions qu'on est habitué d'entendre. Ah, les classiques, ouais, là, perdre les classiques, poids, ouais. Des résolutions. Donc, je peux vous en donner une pour continuer dans la thématique. En dehors des plaisirs de l'esprit, il y a évidemment les plaisirs du corps. Profitons de 2013 pour faire l'amour, pour apprivoiser la sensibilité humaine en totale adhérence avec les émotions de l'épiderme. Jouir, faire jouir et s'en réjouir, disait Montaigne. Ah! Wow! Ensuite, on a une nouvelle chroniqueuse. Elle a déjà écrit dans le Zone Campus. Elle a envoyé beaucoup de lettres d'opinion qui ont déjà été publiées. Donc, on parle de Stéphanie Gladu avec sa nouvelle chronique « Anthropologie moderne ». Disons qu'elle elle écrivait des textes d'opinion et là, elle a gladué. Prochain glad. Je m'excuse, c'est raciste. Attends, un effet de tambour. Je m'en veux. Pour souligner à quel point c'était bon comme jeu de mots. Merci. Donc, l'ère du share. Là, on parle plus de sexe, malheureusement, c'est pas de la chair. Ah, ben non, c'est S-H-A-R-E. C'est ça. S-H-A-R-E. Donc. Oui. Elle parle de l'influence des médias sociaux sur les relations des jeunes adultes. Donc, je pense qu'elle apporte ça d'une façon très rafraîchissante. Super intéressant. Merveilleux. Il ouais. y a évidemment le fantasme d'Hubert Sanson et vos jeux de société. C'est comme un média social, cette page de journal-là. Si vous la découpez, vous pouvez passer les jeux. Art et spectacle, maintenant. Art et spectacle. Donc, partez de la rentrée. Donc, on vous parle un peu des groupes qui vont être présents. Donc, MTL et Danny Fernandez vont être au 10-12 et The Options et The Matchup à la Chasse-Galerie. Donc, dans cet article, on va découvrir un peu ce qui nous attend avec les styles musicaux... variés. Ouais. Punk, R&B, etc. Surtout du etc. etc. The Option, c'est le groupe de Melon Miel de Bruxelles, Jean-Philippe. Oui, oui, il y avait une prestation dans l'émission et il y a un gars là-dedans, je pense, je me rappelle plus, il avait fait la première partie de la première soirée cachée de C'est Fou. Oh! Ouais. C'est laquelle, c'est la première soirée cachée, non? Ça se passait dans le Michel Sarrazin. On a créé un monstre. On a créé un monstre, exactement. Oui, en mars 2012, je crois. T'as fait des recherches, toi? Ça comme ça, c'est je ça? Crois que c'est ça. C'est ça. Donc, à partir de la rentrée, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il va y en avoir une au mois de janvier. À l'hiver, ben oui. Donc, c'est cool. Ensuite, on a un projet d'entreprise qui se concrétise. Donc, c'est quatre jeunes entrepreneurs dans la vingtaine qui ont lancé l'entreprise Upper Native. Donc, c'est officiel depuis juillet 2012 et ça vise, par son originalité et son talent, à moderniser et à faire avancer le monde des arts afin de le rendre attrayant et accessible. Donc, on parle des projets qu'ils ont déjà réalisés et comment ils créent leur visibilité. Des vidéoclips? Ouais. Ben, un peu de tout, là. Vidéo, photo, un peu l'image en général de compagnie. Michael Yerli, d'ailleurs, qui fait partie de ça. Oui. Qui animait ici assez fou. Il animait quoi? Il animait... Une émission de radio? Je pense que oui. Exactement. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Le titre, par exemple, m'échappe, ça fait quand même un petit peu... Route problème. Quelque chose, c'est possible? Non. Ah, regarde. Quoi? Je ne me rappelle plus. OK. J'espère. Et on revient aux soirées cachées dont on parlait tantôt parce qu'il y a une page dédiée à ça. Une page au complet. Palapapage. C'est pas merveilleux. Vous n'avez peut-être pas compris, vous allez comprendre tantôt. C'est ça. Donc, on commence avec, oui, on parle des soirées cachées, donc l'origine et la création de l'événement et le genre de programmation qui est offerte par les soirées cachées. Donc, c'est depuis sa première édition, oh mon Dieu, le 12 mars 2012, ah, que les soirées cachées offrent à la tombée de la nuit dans des endroits inusités de l'UQTR des spectacles de musique émergente. Donc, justement, des groupes qui ont déjà participé aux soirées, on a créé un monstre, Mauve et La Descente du Coude. Parlant de La Descente du Coude... donc, l'article que j'ai écrit, des para-para-papa plutôt sympathiques... Donc, en effet, c'était très sympathique. Et si vous voulez savoir un peu comment s'est déroulée la soirée, c'est là, dans le Zone Campus. Moi, là, je te suggérerais d'aller entendre tout de suite La Descente du Coude. Hey, ça serait super, hein? Oh. Couper la chronique en deux. Puis on garde la thématique, on voit que la chanson, parfois, c'est dur. C'est dans lequel il y a plein de parapapa. On revient avec la chronique de Stéphanie Parapaparadis. J'avale les kilomètres en kilos au mille. Alors, je baigne dans l'huile. À moteur, ma bouche, mes humeurs. Je jaunis à pleines dents. Mon ventre m'applaudit de gaz hilarant. J'ai besoin d'une civière pour allonger mon idéal. Qui sait que depuis que regarder par en arrière, qui est foncé dans un mur. Dans les détours vers le futur. Parfois c'est dur. Parabalapapa. Parabalapapapa. Parabalapapa. Parabalapapa. Parabalapapa. Parabalapapa. Parabalapapa. Parabalapapa. Internet paraît trop veineux. J'ai besoin d'un GPS pour retrouver le moral. Un antiflogistine pour mon talon d'Achille. De la péridurale pour accoucher de mon mal. J'ai besoin d'une civière pour allonger mon idéal. C'est depuis que regarder par en arrière. Foncer dans un mur, c'est pris dans les détours vers le futur. Parfois c'est dur. Parfois c'est dur. C'était la descente du coude et parfois c'est dur sur leur album L'idéal en civière. Non, mais c'était-tu bon rien qu'un peu? Parapapa, pire pantoute. Donc, on était en train de parler d'art et spectacle dans le plus récent numéro du journal Zone Campus avec Stéphanie Parapaparadis. Exactement. Oui. C'est exactement ça qui est écrit sur mon permis de conduire. Oui. Parapaparadis. Donc, on continue dans l'art et spectacle avec une exposition au Prince Papier. Oui, on continue dans la thématique Fantasme en exposition. Donc, le Centre de création Prince Papier de Trois-Rivières a offert le mois dernier l'exposition Trip à Trois. Donc, on nous parle de ce que l'expo propose concrètement et pourquoi les coordonnatrices du projet ont voulu se lancer dans ce thème-là. Donc, pourquoi Trip à Trois? Mais en fait, c'est des triptyques d'estampes, donc des petits trios d'estampes. Voyons, c'est donc bien dur à dire, triptyque d'estampes. Je sais pas. Triptyque d'estampes. Des sextampes. Non, donc, ça n'a pas rapport avec le sexe du tout. Ben, Fantasme en exposition, oui, la thématique, okay. C'est le plaisir des sens. Ah. Donc, c'est ça. Ensuite, on a Alexandra qui nous parle de sortie de l'album de Karim Ouellette. Mais bien entendu, on n'en parle pas vraiment plus que ça. Elle va nous en parler jeudi matin de ses articles dans le spectacle à 8 heures. Exactement. Ensuite, critique musicale avec Maxime Tanguay, une rétrospective de 2012. Donc, il nous parle des recrues et des vétérans qui ont sorti leurs albums cette année, et ainsi que les coups de cœur de Maxime Tanguay. Pour l'année 2012. Mm-hmm. Nouvelle chronique littéraire. Oui, nouvelle chronique littéraire, c'est cool. Donc, c'est Marie-Hélène Gauthier qui nous parle de « Sous le ciel » de Guy Gabriel Kay. Donc, elle nous parle, en gros, du style en général de l'auteur. Et qui est-il, ce monsieur Guy Gabriel Kay? Et ensuite, elle nous parle de l'œuvre. Donc, les décors qui vont entourer l'histoire, son contexte historique et bien entendu l'histoire et son appréciation. Mm-hmm. Tant qu'elle appelait Guy Gabriel, tu pourrais l'appeler juste Guivriel. Combien? Guivriel? Tu sais? Guivriel. Mix and match. Ben, coudonc, mm-hmm. C'est ça de même. Moi, j'essaie de faire un peu trop biblique comme nom, je trouve. Biblique. Guivriel. Ouais. C'est vrai? Guivriel, ça fait comme. Galadriel. Ah, wesh. Ah, wesh. Il y a vraiment du monde qui s'appelle la même. Excusez-moi. Hein? Ça veut... Galadriel. C'est pas dans Le Seigneur des Anneaux, ça? Ça se peut. Ouais. La petite elfe blonde. Cute, hein, je pense. Hein? Ah, ben là, je suis rendu là, je sais pas. Je me rappelle pas. Programmation à venir. Oui, donc la programmation en art, donc théâtre, musique, variété, tout est là. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer ben, dans la session, en fait, vous pouvez aller consulter cet article-là. Tout est là. Donc, théâtre, musique, variété. Vous ne pourrez rien manquer après ça. Mm-hmm. C'était la section art et spectacle. Il nous reste seulement les sports. Les sports. On commence avec la course des Pères Noël dans la neige. Donc, la tradition qui en est à sa 11e année. Donc, le 18 décembre dernier, vous savez, là, la journée où il y a vraiment neigé beaucoup, très épais. Là. Ouais. Et hey, puis, ben, je les ai vus passer. Ils étaient courageux en titi. Écoute. Ça faisait ho, ho, ho. Wow. Pour vrai, là, ils sont vraiment bons. L'enfer. Ils ont quand même fait leur course comme 6-7 kilomètres. Je sais plus trop exactement. C'est intense. Ils partent du Caps. Ouais, ils partent du Caps. Puis, en fait, dans l'article, on décrit vraiment leur trajet. Puis, les aventures aussi qu'ils ont rencontrées dans leur trajet. Là, je pense qu'ils ont poussé des voitures et tout ça. Là. Ah, j'imagine. Écoute, c'était des Pères Noël. En même temps, écoute, ça donne le sourire. Là. Ben oui, non, pour vrai, tu sais. T'es, choix, t'es pris dans un bandage avec ton auto. Tu vois des Pères Noël qui viennent t'aider. C'est la joie. Oh, miracle de Noël. Tu peux pas être de mauvaise humeur après c'est ça. Vrai. Là. Tu pèles, puis tu souris. T'as pas le choix. C'est beau. Oui. Après ça, on parle les lieux de prestige sportif. Donc, où peut-on voir jouer les passes durant la session? Donc, on parle des différents complexes sportifs. Donc, on a bien entendu le CAPS, mais on a aussi le Centre sportif Alphonse Desjardins, le Colisée de Trois-Rivières, l'Aréna Claude Mongrain, le Kiwiteb et l'île Melville. Vous voulez savoir qui fait quoi où? Cross Country, l'île Melville? Exactement. Bravo, ouais. Un point. Un morceau de robot? Yeah. Un morceau de robot. Ensuite, on a la chronique de Maxime Bilodeau, d'une foulée à l'autre. Donc, je pense qu'on est encore dans la thématique, là, la couche de crème fouettée. C'est quoi la thématique? Ah! Non, c'est pas vrai. Je pense que tu parles de sport encore. J'espère, donc, hein, dans la section, fait que... Hein? Oui, crème fouettée. Donc... nouveau patois pour Annabelle, si elle veut retenir un nouveau patois et crème fouettée, tu sais. Et ma pause près. Donc, <J'aime ça. rire> Donc, Maxime nous explique pourquoi il déteste les salles d'entraînement et les centres de conditionnement physique et autres inventions dérivées. Donc, il dit que c'est uniquement pour la version édulcorée de l'activité physique qu'il propose. Donc, je trouve ça intéressant parce que justement, avec toutes les résolutions de la nouvelle année, ben lui nous dit que les entraînements en salle, c'est peut-être pas nécessairement ce qui nous convient et il nous explique pourquoi. Entre autres, parce que c'est littéralement sale. Non, là, c'est sale avec deux L. La sueur du gars, tu sais, d'avant. Là. Ben, tu sais, il y a des petites bouteilles de vaporisateur avec du savon, des petites serviettes. Il reste 0,01% de. Ouais, ouais. Selon l'Isol, hein. Oui, et Purell et toutes les autres compagnies. Ensuite, on nous parle des performances à surveiller en 2013. Donc, pourquoi à surveiller? Ben, c'est parce que 2013 pourrait bien être l'année des Patriotes. Donc, des très belles prévisions, autant au hockey qu'au golf, qu'au soccer, volleyball, natation. C'est fantastique, vraiment une très belle année à venir. Et finalement, on termine avec la chronique de Philippe Doucet. On va les faire, mais on ne les tiendra pas. Mmh. De quoi on parle? Des résolutions? Donc, néanmoins, malgré tout son scepticisme, il se prête au jeu afin qu'ensemble nous décidions résolument de changer nos petits comportements qui nous dérangent. Et bien entendu, ce sont des résolutions qui vont tourner autour des patriotes. Les parapapatriotes. Les parapapatriotes. Call back! Bon. Hey! C'est tout pour le journal sur le campus. Ben oui, déjà. Oui, aux deux semaines, disponible partout sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Vous allez le retrouver avec la couverture Une rentrée sous la neige. Et c'est le volume 8, numéro 9. Allez voir zonecampus.ca pour commenter et partager la plupart des articles de Zone Campus. Oui. Et on remercie Stéphanie Paradis. Merci. Et ça me fait plaisir d'être là. C'est toujours super agréable. Oui, ça me fait plaisir que ce soit un plaisir. C'est un plaisir coupable. C'était bien plaisant. Ouais, tout à fait. Et comme dirait le U sur la couverture, on cherchait ce que ça voulait dire. Thank you. Thank you. You. Thank you. You. You. Bon. You. Tout à l'heure, on va parler avec Annabelle Maton, sa nouvelle chronique kinky, un petit peu, comment dire, je t'aime moi non plus, osé? Mais en fait, c'est pas vraiment osé, j'osais pas justement faire, ben, commencer par une chronique un peu crue, mais dans le fond, ça va juste être un petit survol de la sexualité. Ouais, effleurer le sujet. Oui. Mais ça va venir, effleurer, ça va se... Ben oui, mais ça va se crudifier, mais là. Au cours des semaines, je vais en venir à des sujets un peu plus... La dernière, ça va être hallucinant. Tout le monde tenu en studio. Ouais. Aussi, la chronique Kinky Sexy Time, on va apprendre des choses sur la sexualité et les choses de la vie qui donnent du plaisir. Hein. Les abeilles. Donc, une grosse heure sexy, les choux abeilles. Aussi. Oui. Les choux. Les choux? Cigognes. Oui. Cigognes, j'aime ça. Autre chose? Des bébés dans des roses. Les flashlights. Les flashlights. Deuxième heure à venir, restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 9 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Mm-hmm. La voix que tout le monde attend. Ma voix? Oui. Ouais, salut. Ouais. Salut. Je l'aime pas, ma voix. Ben oui. Non, mais c'est normal. Tu l'as quelque chose de sexy, là. Comment? Sexy? Quelque chose de sexy. Tabarouette. Pas habitué à ça, mais. Non, vraiment pas. Je te dirais. Oh boy, toi, quand ta blonde te demande, parle-moi cochon, tu bug, hein? Ah non, mais il est pas 8h, il est pas 8h le matin. Puis, je dis, ouais, c'est beau, écoute, t'as de beaux pieds. Ta bonne orchestre, les frères Gaillette. On revient avec Kinky Sexy Time. Il est vrai que mon chant est mûr, mais ma face est longueur. Les bombes y font pousser de la véritable bombe. Laisse des traces de l'arrière. Des gros golouches qui rôdent, fréquentent mes tournesols.

parle parce que les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent quand. Au retour, on reste kinky avec la chronique de la belle Maton à Assemblage Rocky. Rockinky. Hein? Rockinky. Rockinky. Rockinky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Rocky. Maxime Bilodeau nous reviendra avec sa chronique sur la culture sportive d'une foulée à l'autre. On fera une visite guidée des différents internets là, dans Cénix. Et je crois qu'il reste de la place dans nos cerveaux. Fait qu'un dernier petit site à faire pour la semaine, hein? Ou demain, 7h, Assemblage Rocky un peu moins sexy. Assemblage Rocky est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage, requis, en pièces. Détaché, Mathieu, Blonde. François, Olivier, Marchand. Heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade. But in the dark, I have no name. So leave that click in my head. And I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart. But I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know you're desire, don't hold a glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your I'm your hopes on fire. But you know your desire. Don't hold a glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your Mumford & Sons, la pièce Hopeless Wanderer. Ils sont comme la descente du code, ils font les pop pop pop pop pop pop pop pop. Ouais, pop pop pop, c'est-tu dans le titre officiel? Oui. On pourrait leur suggérer. C'est quand tu vas sur leur site web, ça fait pop pop pop pas des pop pop. Ah! Ça n'existe plus, ça. Pourquoi faire des blagues sur les pop pop, ça n'existe même plus. Des pop pop. Ça n'existe plus, non? C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Non, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend sur quel site. Ouais, c'est ça, hein. Sur les sites où François va, là, toi et je. Non, je viens de dire que j'en avais pas vu depuis longtemps. Non, c'est ça. T'as la petite option pop-up bloquée. C'est ça! Qu'est-ce que tu veux, toi? Commence bien ta première chronique, ça. Écoute, hein, tantôt, je disais que t'étais une petite truie parce que tu mangeais mal. Pis, oui. Hein, quand même. Merci, hein, c'est on fait sa place. C'est tout plein de classe. Ah ouais, tout à fait. Bref, vous le savez, tout le mois de janvier, ici à Assemblage Requis, François, tu le cites aussi, parce que c'est gros, tout le monde parle de ça, j'ai entendu, tu sais... Les gars de la construction. Les gars de la Fabio, construction. Ils en parlaient. Ils sont là, janvier épique, parce que c'est le janvier épique à Assemblage Requis. Hein? Une nouveauté par jour, pendant tous les jours, on est à Assemblage Requis jusqu'à la fin du mois de janvier, à moins que François veuille venir vendredi, samedi, dimanche pour rajouter à tous les jours, littéralement. Non. Donc, tu l'as dit au jeudi. Pendant tout le mois complet. Et aujourd'hui, la nouveauté du jour, c'est Annabelle Maton. Bonjour à toi. Absolument. Salut. Et est-ce que tu veux faire ta chronique? Je t'aime moi non plus. Eh bien, oui. Parce que moi, j'inviterais une petite intro. Ah. Sexy. Mais vas-y. OK. Donc, c'est je t'aime moi non plus. Tu sais, il sortit, wow. Mais il arrête. C'est spécial d'entendre ça dans un cadre. Dans un cadre. Ben, dans un cadre comme photo. À la radio. Radiophonique. Universitaire tout à fait. Ouais, ben, on est là pour apprendre des choses, hein. Et c'est ce que tu vas faire, Annabelle Maton, avec ta chronique un petit peu coquine. Est-ce que tu veux nous parler juste en général de qu'est-ce que tu espères faire dans ta chronique pendant la session? Ben, pendant la session, en fait, je vais aborder différentes problématiques de la sexualité, mais sur la sexualité. Puis je vais commencer ça par un survol de la sexualité des temps modernes, à partir justement de la Révolution tranquille, puis de mai 68, les changements que ça a apporté, le sexe avant et après, comment on le conçoit aujourd'hui. Puis juste pour bien partir la session, puis... Après, j'aborderai d'autres petits points un peu plus crus aussi, ah des oui. fois. Ouais. Là, tu fais comme chose dans chanson. C'était qui déjà ça? Gainsbourg. Gainsbourg, évidemment. Ouais. Et tu te retiens ouais. au départ. Oui, quand ça même. Il faut avoir une petite retenue. Tu te gênes. Mais après ça, ça va sortir. Ouais, ouais. Ah, toi, c'est vous d'être là. Ah, Steph, tu me connais si bien. Allez. Ah, ça. OK. Donc, par quoi est-ce qu'on commence cette chronique-là? Tu commences dès le début, là. Oui. Tu retournes le plus loin possible en arrière. Ben, le plus loin possible, en fait. Je vais voir. je commence à la grande noirceur au Québec. D'abord, le ce cher Duplessis, ben, il était comme très, très ami avec le clergé. Le clergé, oui, tout à fait. Sait, ouais. Puis le clergé, mais souvent, on a comme une espèce de vision un peu... ben, la vision d'un clergé qui était seulement strict pendant la grande noirceur, mais c'est surtout comme... C'est cette vision-là qui nous reste encore aujourd'hui, mais il y avait aussi un petit courant réformiste, là, c'est comme quelques prêtres qui voulaient adapter le sexe au courant moderne, puis qui s'instruisaient aussi des nouvelles avancées scientifiques. Puis... Alors, il n'était pas tout à fait... pas méchant, mais tu sais... Ouais. Ouais. Ouais. Là, je voulais que je trouve un synonyme ici, puis... Ouais, c'est ça. Voilà, j'essayais de le chercher dans ta face. Oui, lance des mots aléatoires, Mathieu. Oui, poisson! Blue, blue. OK. Ouais, puis en fait, l'article que j'ai été chercher, c'est de l'auteur Gaston Desjardins, Une mémoire hantée, l'histoire de la sexualité au Québec. Au début, j'étais pas très certaine parce que je trouvais que Gaston Desjardins, ça faisait un peu fondrant. Mais je excuse-moi, Monsieur Desjardins. Comme Richard, là, tu sais. Ouais, c'est quoi ça? Richard Desjardins, ça va bien. Dans son article, il dit que les travaux sur la sexualité au Québec, article date de 97, je tiens à le spécifier parce qu'il y a sûrement d'autres trucs qui ont été faits, mais dans son article, il dit que ce qui est traité, c'est surtout ce qui est marginal, comme la prostitution, l'homosexualité, le cas des filles mères, tu sais, comme si la vraie sexualité, c'était juste marginal, puis on se compare beaucoup au passé aussi, au Québec. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a la révolution tranquille qui a apporté comme un profond désir de changement, puis ça a vraiment accéléré comme l'exaltation des mœurs. Il y a eu une grande expansion urbaine, industrielle. Il y a eu un développement des moyens de communication, ce qui a fait que les pratiques sociales inédites. Il y a plus de façons de se renseigner sur les choses qu'on peut faire dans la vie, non pas juste. Ouais. Ce qu'on était habitué de faire depuis toujours. Oui, mais c'est ça. Puis en parallèle, à côté, il y avait aux États-Unis, puis en France, il y avait, tu sais, comment je pourrais dire ça, dans les médias de masse, il y avait comme, comment je pourrais dire ça, une érotisation, disons. Oui, une ouverture, mettons, à parler de ces choses-là dans les médias. Ça faisait que les gens étaient intéressés à le faire eux aussi. Oui, c'est bon. Ça. Fait qu'on était profondément influencés, parce que de toute façon, ce qui se passe en France, bien ici... Ça arrive avec un petit délai. Oui, quand même, mais ça prend pas trop de temps, quoi que ça dépend. Pour ce qui est de la France, en fait, à partir de 1068, j'ai pris ça dans l'article. C'est qui l'auteur déjà? Achille Weinberg, bref. Il parle d'une révolution sexuelle, comme quoi le corps se dévoile, on constate l'apparition de mini-jupes, de on voit des jambes. Pubs. Oui, on voit des jambes, on voit des filles. Des filles? Non. OK. Non, pas plus. On voit des seins. Oh, tu sais qu'on pouvait pas voir de nombril à la télé avant. On pouvait pas voir grand chose avant la télé. Et dans certains pays encore aujourd'hui. Mais c'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, mais comme tu as parlé tantôt, le mot sexe qui est au Pakistan, c'est ça? Oui. Souvent. Le plus recherché, c'est là. C'est au Pakistan. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça, la révolution sexuelle qui a apporté. Comment je pourrais dire ça? Beaucoup de cas. Ben, les cas de divorce ont augmenté, les cas d'union libre aussi. On a vu. L'avènement de la pilule contraceptive, puis la sexualité a été librement abordée dans les médias. Alors, les gens ont commencé justement à se renseigner de plus en plus. Ensuite, il y a eu mai 68, révolte à la base étudiante, qui était une contestation de la bourgeoisie et du patriarcat, avec des slogans comme « Faites l'amour, pas la guerre »,« Jouissons sans entrave ». Jouissons sans entrave. C'est cute, hein, quand même. C'est accrocheur. Ouais. Quand même. Je veux un t-shirt. Mais je suis certaine que ça se fait, en fait. Oui, oh, c'est sûr. Tu sais, tu prends une petite canisse, puis... Une petite caniche! Puis tu te fais ton t-shirt. Tu pourrais devenir riche, Mathieu. T'as tout ton caniche avec la canisse. Ah, j'ai rien compris. T'as tout ton caniche avec ta canisse. Tu prends ta canisse, tu t'as tout ton caniche. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, mon Dieu! Mais Colin, inconfortable. Oh. Puis on a vu une petite évolution aussi dans notre perception de la sexualité. En fait, à la fin des années 70, ça a été fortement banalisé. Les premiers rapports sexuels se font en moyenne 5 ans plus jeunes qu'avant. Avant, on pouvait constater que c'était à 22 ans. Puis en 81, ça a baissé à 17 ans quand même. Et là, on parlait plus de mariage, on parlait c'est plus... Non, non, mais c'est ça. Pour ça que les gens attendaient à plus tard, parce que tu te maries pas à 17 ans. Ben, idéalement. Ouais. Mais à maintenant, à partir, mettons, ben, selon ces statistiques-là, c'est ça, la femme vierge avant le mariage se faisait de plus en plus rare. Oui. Ben, c'est ça, les femmes deviennent plus actives aussi, tu sais, ils assument leur sexualité. Il y a aussi les pratiques sexuelles qui s'élargissent, comme ben, le sexe oral. Et voilà. Le sexe par derrière. Plein de nouvelles pratiques, en fait. Ouais. J'imagine l'apparition de l'homosexualité aussi. Mm-hmm. Ben, l'apparition. Pas l'apparition, c'est... Mais comment dire? C'était plus accepté, mais ça s'est fait plus tard. Dans les années 70, c'était encore un peu plus... La réalité. Tabou, là. Ouais. L'homosexualité, c'est comme plus accepté dans les années fin 80-90, je crois. Ça se faisait, mais ça, on n'en parlait pas. Mais oui, c'était juste ça. Tu sais, les Grecs, là, hein? Ah, oh, les Grecs! Toute la gang! Mais c'est tout nu, puis... Hein? Frotte la moustache, puis... Hein? Emmanuel, ça vous dit sûrement quelque chose? Bilodo avec le gros nez, non? Non, non, tu sais, le petit film érotique, là. Oui, Emmanuel! Oui, oui, oui. Emmanuel! Mais ben, c'est ça, c'est dans les années 70, le cinéma devient plus cru, la pornographie commence à être de plus en plus lucrative. Mm-hmm. On voit aussi un changement de valeur... à mai 68, ben, les 68 heures ont eu des enfants, ce qui a fait qu'ils les ont élevés dans un cadre un peu plus libre. Alors. Ça vient majoritairement de là, tes croyances et tes, justement, attendre le mariage. C'est quelque chose qui était inculqué par tes parents avant et leurs parents avant. La religion, ouais. Ben, les parents révolutionnaires, c'est sûr que tu dis pas à ton enfant. Ben, fais donc ce que tu veux. Tu peux, mais tu sais, en tout cas. Ouais, ça fait une génération très différente, là, ces enfants-là. Oui. Il y a une démarcation assez évidente. Yep. yep. On constate qu'on. Ben, en fait, dans ces années-là, on permet plus, au niveau de la sexualité, tu sais, les pratiques s'élargissent plus, mais on criminalise. On commence à criminaliser l'inceste, la pédophilie, le viol, le harcèlement sexuel. Dans les années 70 aussi, il y a un combat pour que le viol soit poursuivi en justice, vraiment pour qu'il y ait un procès pour pénaliser ces criminels. Ben, tant mieux, de bonnes choses. Mais c'est ça. Puis dans les années 80, on va finir par criminaliser la pédophilie, ce qui est une bonne chose aussi. Oui. Mm-hmm. Quand même. Ça a quand même été long. Ouais. Hein? Avant qu'ils criminalisent ça, me semble. Mm. Ouais, quand même. Puis quand ils ont criminalisé la pédophilie, mais tu sais, c'est qu'avant, tu sais, il y a des auteurs qui promouvaient ça. Ça, j'ai bien accordé mon verbe. Qui en faisaient la promotion. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, ces auteurs-là vont être comme, ben, pénalisés aussi, je veux dire. Peut-être pas de la censure, mais il va y avoir... OK. Ouais, quand même. Moins de publications de ça. Donc, les maisons d'édition étaient peut-être plus réticentes à publier. C'est plus touché, là. Ouais. Littéralement touché. Ben, on se comprend sur une joke de pédophilie. Oh, c'est un peu trash. Moi, ouais, désolé. Bon, mais sur ce, on va comme poursuivre en musique. Sur ce malaise. Ouais. Mmh. On s'en entend une pièce que tu nous as choisie de Mars Volta. Oui. C'est The Malkin Jewel dans la chronique Je t'aime, moi non plus. For you. The Mars Volta et The Malkin Jewel dans la chronique Je t'aime moi non plus avec Annabelle Maton et on continue sur le même sujet que tantôt, on fait une petite historique. Oui. Après cette délicieuse chose, je vais vous parler de l'industrie du sexe. Mm-hmm. Oui, mais c'est ça, en fait, l'industrie du sexe. J'ai des petites statistiques ici. En l'an 2000, il y a 10 000 films qui ont été tournés en Californie. En l'an 2000, juste, oh, en, juste Californie. En Californie? Mais c'est ben, la place, c'est ouais. Le gros centre nerveux. Ben ouais, on peut, ouais, on peut dire ça. Ça, c'est aussi un euphémisme pour l'engin masculin, le centre le nerveux. Le centre nerveux. Ah, ben... OK. Ouais. Il y a un petit malaise. Non! Mais ça arrive souvent quand Mathieu parle. Ouais, c'est chaque ça. Fois, hey, devinez combien d'acteurs réguliers ont tourné cette année-là. T'aurais l'impression qu'il y en a comme 4 parce que c'est souvent les mêmes là, dans les ouais. Films. Ouais. Non, mais lance un chiffre comme ça. Je sais pas. Ay, j'en ai vraiment aucune idée. 10 000 films. Là, on parle juste en Californie. Ouais. 10 000 films. 350? Non, non, non. 5 000. Non, il y a plus de filles que ça. Pas 5 000. Non, non. Je sais pas. 2472. Et t'as de l'ambition, mais il y en a 700. Ah, ben, j'étais le plus proche donc. Kim, mais c'est bien plate. C'est-tu comme 700 acteurs qui, à eux tout seuls, ont fait, réguliers, ont fait 10 000 films, genre? Ah, oui. Non, on parle pas des rôles de figurants. Des rôles de soutien. Rôle de soutien du paquet. Oh mon Dieu. Ouais, la petite bourse, là. Oui, oui, la petite bourse. Le petit paquet. Ah, oh, mais 700 acteurs, quand même. C'est beaucoup. Le cybersexe aussi. 25 % du trafic sur Internet. C'est ça? C'est pour ça? C'est 25 % Le corps cherche des corps. Ouais, quand même. Non, mais quand même, là, 25 %. C'est quand même. Ouais, c'est énorme. Puis, ouais, c'est énorme. Le trois quarts des gens un peu pervertis sont des hommes. Seulement une femme sur quatre. Comment? Seulement une femme sur quatre consomme de la pornographie sur Internet. Qui consomme de la pornographie lors de l'étude? Parce qu'il y en a qui vont peut-être être gênés de le dire. Oui, mais tu sais, souvent c'est anonyme, puis on est moins gêné de répondre à ce genre de choses. Ouais. Mais je sais pas, maintenant moi, quelqu'un m'appelle, puis il dit oui, c'est pour un sondage, puis sur les pratiques sexuelles. Là, tu te rends compte, finalement, c'est ton voisin, c'est un gros cochon, puis qui voulait juste savoir ça. Moi, je réponds pas à des affaires de même. Là. J'avoue, hein, c'est vrai, c'est facile de se faire passer pour un sondage. Ben oui, ouais, tu sais, comment tu peux prouver que t'es un vrai sondage scientifique? Faut avoir du temps à perdre en temps. Pis, ben, je sais pas. Tu sais, je sais pas. Puis on pourrait dire sa voisine, puis je vais faire un sondage, je t'envoie ce qu'elle fait. Ouais, prenez des notes, là. Prenez on pourrait dire aussi que, tu sais, si tu dis consommer de la pornographie, peut-être que Dieu en haut, tu sais, comme aux États-Unis, oui, là, ben ils sont oui. Bien croyants, ben c'est ça. Hein? Va être puni. Ouais. La punition. La main poilue, etc. La main poilue. T'as une grand-mère qui disait si tu touches, ta main va être poilue en dedans. Ah oui! C'est vrai, ça? Ouais. Hein? Il y en a aussi qui disent que si tu touches, tu deviens sourd. Ouais. Ouais, comment? Mais il y en avait aussi qui disaient qu'il allait te pousser des poils à l'intérieur de la main. C'est bien le fun. Oh, les hobbits, là. C'est ça, Bilbo. Ouais, les hobbits. Un petit Bilbo, là, avec son petit. C'est pas un gadget, ça, que tu peux acheter. Tu vas nous en parler la semaine prochaine, Bilbo. Le Bilbo. Hein? Le Bilbo. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Ah, ouais, c'est ça. Mais on veut parler aussi de prostitution, mais légèrement, quand même. Ça fera le sujet d'une autre chronique. Une chronique très prostitution. Hein? Une chronique très prostitution. Je peux-tu arrêter? Oui. Hein? Mais oui, de faire des jeux de mots plates? On va dépasser à cause de moi. Ah, oh, mais t'as une chronique juste pour ça. Oui. Prends-la en note. C'est ça. Fais donc tes jokes dans ta propre chronique. Moi, c'est ça. Demain, tu feras comme bon, maintenant, je vous présente tous les jeux de mots que j'aurais fait hier. Ben oui, il faut que pas. Tu contextualises chacun des jeux de mots. J'essaie de la mettre à l'aise, là. Hein? Hein? Non, mais oui, ça oui, marche. Oui, on va ça la mettre fonctionne. À l'aise avec des malaises. Ben oui, c'est ça. Ça fonctionne quand même. En 2002, on dénombrait 18 000 prostituées en France, dont la moitié qui était originaire de pays étrangers. Ouais. C'est un peu trash quand même. Ça, c'est beaucoup. 18 000? Ouais. Ouais? Je sais pas, mais... Je vais aller chercher des statistiques fait qu'il y en pour le Québec, là, mais... Ouais. C'est que plus t'as de prostituées, moins t'as de clients avec qui elle a fait des affaires. C'est un petit peu moins épais. Mais c'est parce que, tu sais, comme la demande, là. Ouais. S'il y a 18 000 prostituées, c'est qu'il y a de la demande. Ouais. Oui, quand même. On remarque aussi le tourisme sexuel ces dernières années qui a augmenté qui se pratique surtout en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est en croissance, je ne sais pas. Encore là, c'est comme une étude qui a été faite en 2002. Là, ça, c'est plus caché. Là. Tu pars en vacances, mais c'est pas nécessairement que... Mais c'est sûr que c'est pas... vas-tu faire une mineure en Thaïlande? C'est ça, c'est pas quelque chose dont tu peux être fier, je pense. Mm. Ouais, mais ça se remarque quand même, tu sais, mettons, toi en tant que journaliste ou en tant que, scientifique ou chercheur, tu t'en vas là-bas, puis tu regardes sur les plages les vieux messieurs avec les petites filles, souvent, c'est pas dans leur famille, Non. C'est pas clairement... nécessairement un enfant qui ont été cherchés au centre d'adoption non plus, genre. Non. Ouais, c'est ça. Il y a aussi, comment je pourrais dire ça, une forte tendance. En fait, on remarque, on dénombre plus les viols collectifs. Ça révolte les gens. Effectivement, bien évidemment, en fait. Puis les gens accusent la pornographie en disant que ça amène comme une vision mécanique la sexualité, là, comme quoi la femme, c'est comme un objet de consommation. Puis ça, je pense qu'encore aujourd'hui, même l'homme, en fait. Là, en fait même l'homme est un objet? Non, mais non? En fait, mais avant, on disait... Ok, non, c'est pas ça. Ah, c'était pas ça? Avant, on parlait souvent comme la femme comme objet de consommation, mais tu sais, l'homme aussi en est un. Là. Faut pas oublier que dans un film pornographique, il y a un acteur masculin, puis... Ouais, mais dans le sens où c'est plus consommé par des hommes, ils regardent peut-être moins l'homme. Ouais, mais quand même. C'est comme un meuble. De toute façon, je regarde pas l'homme, ils sont tout le temps tellement laids. Effectivement. Ah ouais, c'est vraiment même... décevant. Hey, hein? T'es fancy dans ton... T'es sélective, on pourrait dire. Ben non, mais c'est vrai, ils sont tout le temps lettres, là. Bon. On se le cachera pas. Ils ont tout, ouais, le, temps mais... une, ils ont tout le temps une barbe louche. Ron Jeremy. Ron Jeremy, c'est le plus plaisant. Ouais. Mm-hmm. Ah, mais les femmes aussi, souvent, sont pas tout le temps... Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est douteux, là, comme choix d'acteur. Mais... Ouais, quand même. J'imagine que ça dépend du budget du film aussi. Ouais. C'est ça. C'est tout, Annabelle? Mais oui, c'est tout pour cette semaine. Première chronique, merci. Mais ça fait plaisir. Je t'aime moi non plus, on te retrouve à toutes les semaines, en fait, toutes les semaines. Et c'est les mercredis. À 8h30. À 8h30, voilà. Hey, c'est chouette, ça. Oui, hein? Ouais. Stéphanie va être là aussi. Ah, donc, ben, c'est elle va se faire un plaisir d'être là. Je vais revenir, c'est certain. Ça va être notre groupe, notre quatuor du mercredi. François? Il va falloir rajouter David. Oh. Vas-tu rester, tu penses? David Ferron. Il reste un micro. Ça va être intense. Oui, c'est... Ça va brasser, c'est de... Il va nous falloir un 4 heures le mercredi pour réussir à faire tout ça. Donc, merci encore, Annabelle Maton, à la semaine prochaine. Oui, merci. Bye-bye. On va terminer l'émission ici en passant parce qu'on arrive à la fin, à notre destination pénible. Pénible. Ouais, pas tant attendu, là. Non, c'est on ça. On n'a jamais hâte à 9h. Les gens sont tristes quand 9h arrive, mais c'est comme ça que ça se passe. On remercie Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Merci, Steph. Encore une fois, Annabelle Maton. David Ferron va être là à partir de la semaine prochaine à 8h pour sa chronique La langue dans ton oreille. Restez à l'écoute pour le dîner de con à partir de 11h avec Danny Janvier. Demain, à l'émission, j'ai oublié de dire dans le plan tantôt ce qu'on avait comme remplaçant demain, étant donné que notre émission n'a pas eu lieu lundi. On a déplacé la nouvelle chronique de Simon Fitzbé, sa chronique d'humeur. Il va nous lire son texte du Zone Campus demain. On aura aussi Alexandra Carignan, une autre réfugiée du lundi. C'est à l'émission de demain. Et Maxime Bilodeau, François, tu veux savoir de quoi il va nous parler? Oui, certainement. De sport? Oui, des tendances dans le sport. En fait, il fait un genre de chronique à venir en 2013. Là, c'est très à la mode en ce moment, dont on est allègrement bombardé en début d'année. Et il va s'adonner à un périlleux exercice de futurologie. Il sera question, entre autres, de pièces d'équipement intelligentes, d'auto-quantification, de neurosciences et inévitablement de chaussures de course à pied. Et qui est brillant. Jeudi, 7h30, c'est sa nouvelle case horaire. Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Bonne journée, François. Merci, Matt. Toi aussi. Je pense une émission vraiment plaisante aujourd'hui. Chargé. On a aimé ça. On va se quitter avec Carry Me Home de Hey Rosetta. Et c'est ça. Bye tout le monde. À demain. Ciao, ciao. Jingle Bell. C'est une chanson de Noël, mais c'est hivernal plus. This hotel is cheap and the pillows stink, and there's not a single thing to say it's Christmas Eve. Oh, St. Nicholas, I know I ain't in your list, but if you're listening, I need a bus ticket. I came through Montreal, I lost a lot of dough, could find no honest job, so I did some other ones. Got into trouble and I had to run or suffer, and then a long road into a long December. Over the water and over the border and over the open land.